Le club de la bonne musique. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Un public trié sur le volet. Des animateurs capables de vous entraîner jusqu'au bout de la nuit. Allez, le club, laissez parler vos envies. Voilà le club avec toujours Julien, toujours Thomas dans une ambiance. Allez, c'est le début de la deuxième partie, alors on peut se lâcher sur les applaudissements. Moi, je pense qu'il faut pas être radin sur les applaudissements. Et Jack, moi-même, un petit coup d'applaudissement. Ouais. Hein. Alors, le sommaire de cette deuxième partie, Julien. Ça y est, j'ai le top là. Ouais, t'as le top là. Alors, tout d'abord, on va avoir le dossier du jour. Une petite rubrique bien croustillante, puis les génériques télé présentés par moi-même. Ça, c'est un dossier préparé pendant au moins 3 semaines. On vous a ramené des trucs, c'est hallucinant. Ensuite, un petit sketch, la minute culturelle, et puis bien sûr, ce que vous attendez tous depuis longtemps, que vous connaissez peut-être déjà, la série radiophonique du pur bonheur. Énorme. Du pur bonheur. C'est dans la deuxième partie, ça ? Oui, tout à fait. La série radiophonique est dans la deuxième série partie. La série radiophonique dans la deuxième partie. Là, j'aurais tendance à parler jeune et à dire quelle tuerie. Mais quelle tuerie, mes amis. On va repartir en musique d'ici quelques instants. Bah, la suite, je vous propose un petit mojo avec Lady. C'est tout de suite sur la radio, c'est le club que vous écoutez. Et ça se passe bien avec Julien, avec Thomas et avec Jack. Les portes sont ouvertes, je vous en prie, rentrez. Mojo, Lady. to see, you're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Voilà, vous êtes de retour dans Le Club, l'émission la plus VIP de la bande FM. Voilà, voilà. Alors, dans Le Club, il y a toujours Julien. Julien, bonsoir. Il y a toujours Thomas. Bonsoir. Thomas. On va balancer là, on peut dire le mot balancer ? Ouais, je pense que ça se dit, ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est pas mal. C'est limite. Ouais, je trouve, ouais. On va lancer, voilà. Tout simplement. Si on peut faire correct, moi je veux dire... Faisons correct, hein. Ne risquons pas de choquer quelques oreilles sensibles à la grammaire française, hein. Je ne veux vraiment pas être là, c'est pour ça d'ailleurs que nous retrouverons dans les programmes une rubrique culturelle. Ah ouais, c'est important la culture, il en faut. On va lancer le dossier du jour. Le dossier, avec voilà. Thomas, tu es prêt ? Je suis pratiquement prêt, on va essayer. On te lance un petit jingle là, et puis t'es parti pour de la folie. Le club, l'émission la plus VIP de la bande FM. VIP, ça veut dire que tu l'écoutes ni en charentaise, ni en pyjama, ok ? Merci. Peut-être en chaussettes. Le dossier du jour, voilà. Donc aujourd'hui, le club ouvre une porte et brise un tabou. Alors nous allons parler de la chaussette, bien évidemment. Enfin, bien sûr, très important. Tout le monde l'attendait. Hein. Bon, alors après le pantalon taille basse, hein, les stylistes ont osé inventer la chaussette taille basse. Alors tous les noms de la mode se sont révoltés. Alors je cite le couturier Duke Donald dans le magazine Mode et Vous qui déclare les chaussettes taille basse, mais quelle cochonnerie! Il a raison! Des mots durs, mais des mots justes. On s'est fatigué depuis 15 ans à rétablir la chaussette. De nombreuses marques ont lutté pour l'émancipation, de la chaussette. Je suis obligé de citer une célèbre marque Kindy que tout le monde connaît, bien sûr. Bien sûr! Qui a porté haut les couleurs de la chaussette avec un slogan fort, les chaussettes ne se cachent plus. Voilà. Alors, pourquoi inventer des chaussettes taille basse ? Désormais, elles sont planquées dans les chaussures, même les chevilles ne sont plus couvertes. Si ça continue, mes potes se retrouveront pieds nus. Mais qu'est-ce qu'elles ont, nos chaussettes, hein ? Qu'est-ce qu'elles ont ? Elles sentent mauvais ? Non, peut-être, de grâce quand même, rétablissez la chaussette taille haute, hein. On se les caille. Alors, on fait un petit appel, rétablissez la chaussette taille haute. Il y a vraiment des sujets comme quoi on a envie de s'investir. Hein. Bravo, Julien. Thomas. Bébé, qu'est-ce que c'est ? Bravo, Jack. Merci, c'est gentil. Petit débat d'ailleurs, quel genre de chaussettes portez-vous actuellement, animateur ? Bon, moi, ce serait plutôt la chaussette sportive, passe-partout, chaussette blanche, ouais, chaussette de base. Avec un trait, je vérifie. Ouais, vérifie. Hein. Avec un trait noir et un trait gris. Voilà. Elle est plus belle. Mais bon, j'apprécie également la chaussette... la chaussette avec des petits dessins dessus. Les petits motifs, ouais, moi-même j'ai opté pour la Homer Simpson. Oulala. Wow. Oulala. Wow. Montre. Ah, tout à l'heure, après l'émission, je vois où tu veux en venir. Oh, eh bien, là, attention. Et Thomas, ouais. Qu'est-ce que tu as comme chaussette ? Bah, moi je serais plutôt classique, quoi, de la chaussette pure laine, 100% mouton, on va dire. Hein. Ah, qui tient chaud l'hiver. Ah, qui tient chaud, qui gratte un poil le pied, on va dire. Un poil le pied, ouais. Voilà. Et bah, c'est de la bonne chaussette, tout ça. On ne sait pas s'ils en portent, c'est le groupe Coldplay, à mon avis, ouais. One I Love sur l'antenne du club. Vous écoutez le club, l'émission la plus VIP de la bande FM, Coldplay, One I Love. On se retrouve juste derrière pour la suite. C'est quoi la suite? Mais qu'est-ce les que c'est? Les génériques télé. Waouh. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Ensemble pour la rubrique générique télé animée par moi-même, ce qui fait plaisir quand même. Voilà Julien qui a pris le poste de chef entre guillemets. Ah ouais, le poste de régisseur, bon ça fait plaisir. Maintenant vous avez intérêt de filer droit, sinon. Ouais, c'est la pression maintenant pour nous, hein. On est du côté animateur. Ouais, ouais. Je te rejoins Thomas. Voilà, bonjour. En face de Jack. Tu vas bien? Ah, très belle musique, effectivement, pour le quiz, spécial quiz avec notre ami Julien. Alors, bougez vos cheveux sur le fond sonore. Bah, on fait le maximum, ouais. Donc, on va commencer avec un petit quiz, si vous êtes d'accord. C'est le quiz musical. Ouais. Est-ce que les auditeurs peuvent jouer chez eux s'ils veulent? Oui, bien sûr, bien entendu. Hein, on va laisser un petit droit de réponse aux auditeurs, le temps qu'ils puissent répondre. Donc, on va y aller tout de suite. Hein. D'ailleurs, on mettra sûrement en place une adresse email, hein, et puis les meilleures propositions, les meilleures réponses remporteront des cadeaux. Ça me paraît pas mal. Ah, c'est pas mal. Ça me paraît normal. J'ai quelques petits CD en réserve pour vous. C'est sympa. Ça dans les futures émissions, évidemment, on peut pas tout donner la première. On a un budget à respecter. C'est bien sûr. Tu connais ça. Hein. Tout le monde connaît ça. Oui, tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde connaît les fins de mois difficiles, même le club. Voilà, mais des petits lots, c'est toujours sympathique. Hein, ça fait plaisir et pourquoi pas. Hein. Donc, on va y aller. Hein. Parce que bon, vous faites votre petite popote là, mais. Hein, le quiz est toujours pas commencé. Ah bah nous on attend. Hein. Bon, on va enlever le fond sonore et on y va avec le premier. Oh là, c'est dur. Barracuda. Est-ce que je peux dire qu'il est passé tout l'été sur la première chaîne? Ah bon, sur la première. Tu fais de la pub un petit peu là. Ah bah j'adore. Bon. Alors bien sûr, vous avez tous reconnu. Bah, c'est Magnum. Magnum, avec Higgins. Et le Higgins et le Tom Selleck, Thomas Magnum. Oui, Tom Selleck. Ah, très bon. Donc, on va passer tout de suite. Thomas, en plus, je n'avais pas fait le lien. Mais nous avons Thomas. Je me suis bien planté, je me suis bien mis à côté. Ah oui, j'étais parti sur un autre générique. Ouais. Ah, moi, je croyais que c'était pour rire. Ah non, c'était sérieux et plantage en toi, direct. Tu as confondu avec l'agence Tourisque. Voilà. J'ai tout de suite. Je croyais que c'était pour rigoler. Non. Donc attention, le deuxième générique qui va partir tout de suite. Ouais, c'est pareil, là tu me fais plaisir, tu sais. C'est un quiz pour moi, c'est ça? Tu connaissais mes séries quand... Ouais. Toujours actuelles d'ailleurs, je sais pas si ça passe encore. Ouais, exciting new. Ouais. Ah, je connais bien. Hein. Je connais bien. C'est... Bah, je te laisse hein, parce que. Ça doit être une croisière, la croisière s'amuse, non? Il le dit ouais, comme bravo, ça, la croisière bravo, s'amuse. On ouais, ouais. Enfin, une bonne réponse. Ouais, j'espère que chez vous l'avez le trouvé, c'est facile. Croisière s'amuse, que des souvenirs, hein. Beaucoup d'invités guest stars. Beaucoup, beaucoup. Frank Sinatra était venu, il me semble, dans la croisière. Le grand Frank Sinatra. Oula. Thomas Magnum. La croisière s'amuse. C'est la même chose à l'envers. Ça marche comment? De quoi? Comment qu'il faut jouer? J'ai pas compris. Pour non, mais je me suis un petit peu trompé, voilà. Bon, c'est la on première fois. On le nouveau régisseur. Le foirage en direct, excusez-moi. Donc bon, la croisière s'amuse beaucoup de souvenirs, comme je l'ai dit précédemment. Est-ce qu'on s'en fait un petit dernier avant de passer à la diffusion en entier d'un générique? Ah, mais c'est ce qu'on attend peut-être. Ouais. Alors, j'essaie de nous en trouver un petit peu calé. Bon, faut chercher. On va mettre un hasard comme ça, voilà. Oh, celui-là, c'était trop facile. Ouais, c'est trop facile. Mais tant pis, faut assumer la facilité. Il s'agit de 21. Eh ben non, tiens. Non, il s'agit de Beverly Hills, évidemment. Voilà. Tout le monde l'aura reconnu avec Brenda et Brandon. Le prénom très recherché, d'ailleurs. Ouais, et là, Shannon Doherty dans les premiers épisodes. Oui. Oui. Et Jason Priestley. Je connais tout, j'ai presque un petit peu honte devant Monsieur Cinéma là. Allez, on est en générique, hein, mais même en série, on va dire américaine. Ah, mais j'en ai honte là, tu sais. Oui, faut pas en avoir honte, tout le monde passe ses après-midi à regarder Beverly Hills, bien sûr. On va se faire un petit plaisir, ça on s'en passe. D'ailleurs. Un petit dernier. Un petit dernier? D'accord, pas de problème. Alors là. J'ai peur de me planter. Là, ça peut être dur, là, ça peut être un peu plus dur. Moi j'avoue que là je ne sais pas. C'est pas forcément la... Ah ouais. Un petit peu plus fort effectivement. Voilà. On a même des appels, c'est formidable. La réponse peut-être en direct. Je ne sais pas. Bah, attention, la réponse. Eh oui, c'était Goldorak. Goldorak, la version avec Noam. Ah Thomas, tu me déçois, tu m'as dit que tu la connaissais tout à l'heure. J'étais plutôt parti pour Jojo le robot peut-être, non? Ah non, non, non, Jojo le robot, j'essaierai de te la trouver, mais non, c'était Goldorak. Et on Goldorak. A eu un appel, hein, Jean-François Micro-Ondes a trouvé Goldorak. Ah, magnifique, on peut applaudir Jean-François Micro-Ondes qui, on applaudit. Sans avoir poussé à l'appel, nous a appelé et effectivement, on essaiera de lui offrir un petit cadeau. De derrière les fagots, je vais essayer de trouver ça. Et on va couper tout de suite le morceau. Et on en... Pour... Là, c'est le grand moment, là. On va parler de la série qui a déchaîné tous les fans cet été. Je parle, bien sûr, d'une série de deux footballeurs avec Olivia Hatton et Thomas Price. Qui encore en personne. Encore un Thomas. Une spéciale donc, voilà. Thomas dans les quiz génériques aujourd'hui. Donc, c'est Olivier et Tom, avec, on se rappelle, bien sûr, ces formidables terrains qui s'ouvrent. Et ces formidables joueurs qui s'arrêtent 5 minutes pour décider de la stratégie pendant que les autres arrivent en attaque. C'est toujours lui magnifique. Qui fait des sauts de 2, 3, 4 mètres. La catapulte, effectivement, avec les jumeaux. Et il reste en l'air combien? 2 épisodes? Au moins. À peu près, tout à fait. Avec des fois une mi-temps qui dure un épisode et des prolongations, enfin des arrêts de jeu qui durent 2 épisodes. Finalement, on pensait qu'ils avaient passé pour des idiots, c'est ce qui a fait finalement la renommée de la série, hein, puisque maintenant on peut s'en rappeler comme du dessin animé Impossible. C'est vrai, c'est impossible. Attends, 2 oui, épisodes. Oui. Mais attends. Oui, c'est vrai. Bah attends, on n'a jamais vu ça sur un terrain. L'autre. Non, c'est vrai. Donc. Sauf moi. Si on y allait. Allons-y. Donc souvenir, on l'a passé en entier. Ah bah oui, faisons-nous plaisir. Et puis alors si je suis bien notre sommaire, nous retrouverons le sketch du jour et également le dossier du jour. Donc à ne pas manquer. Et la série radiophonique. On va beaucoup baser sur la série radiophonique Veracruz. Voilà. Et tout de suite, Olivier Tom. Voilà. Toujours en forme, Tom, Olivier, sont super entraînés. Olé, olé. À l'instant, c'était Olivier Tom, le fameux quiz générique TV présenté d'une main de maître. D'une main de maître, j'insiste, par Julien. Ouais, et on sent que ça vous a plu. Ah mais c'était bien, d'ailleurs c'est pas fini les... Ouais, c'est et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'on a eu 15 appels quand même pendant le générique pour en remettre plus. Évidemment, ah, et voilà. D'ailleurs donc, c'est ce qu'on va se proposer de faire également, en remettre un encore. À la demande générale, on va en mettre un de plus. Voilà, un petit générique culte quand même, pour faire culte, plaisir. Culte, ah oui. Ah, ah oui. Culte on va dire. Culte. Faire plaisir aux demoiselles quand même. Aux demoiselles, ouais. Demoiselles. Mais tout de suite, je vous ai parlé d'un super-héros en coulisses, hein, dans le club. Je vous ai parlé d'un super-héros qui s'appelait Batman. Et on a trouvé son remplaçant, hein, parce que évidemment Batman, ça fait longtemps. Par contre, on a un nouveau qui soulage non pas les gentils, les méchants, il soulage les modestement, lui. Il s'appelle Petman. Et on s'écoute ça tout de suite. Un sketch qui a été primé, mais dans les plus grands festivals, vous imaginez même pas. C'est énorme. Imaginons, on imagine. Mais énorme. C'est dans le club. Le club, le club. L'émission la plus VIP de la bande FM. VIP de la bande FM. VIP, ça veut dire que tu l'écoutes ni en charentaise, ni en pyjama. Ok ? Merci. Batman 3, le retour. Robin. Je dois aller sauver quelques personnes constipées. Attends, Batman, tu oublies notre cri de guerre. 1, 2, 3... Batman ! Batman revient au cinéma. Et cette fois, il soulage les maux d'estomac. C'est moi, Batman. Le super suppo. Batman ! Il y a un problème ? Oh, Batman, il y a un homme complètement constipé sur les toilettes. La constipé, vite, vite ! En vrai, faites. Constipation passagère ? Oui. Prenez ça. C'est quoi ? C'est du chasimus. Ouh, ça fait du bien. C'est normal. Mais la prochaine fois, mange un peu plus de salade. Batman le film, sorti le 1er avril. Si vous n'êtes pas constipé. Batman ! Ah bah je l'écoute avec toujours autant d'attention. Hein. Vraiment un très très beau générique. J'en ai mal au ventre. Très très beau générique. Mais très beau sketch également. Batman, t'en as mal au ventre ? Ah oui. Bah, peut-être qu'on peut l'appeler, je sais pas. Il peut peut-être venir, notre ami. On a reçu quelques appels là, il me semble. Ah oui. Et on réclame du générique encore. On réclame du générique. Oui. Vous aimez le générique. Donc on va être obligé. Bah écoutez, on va passer un ultime générique, sauf si évidemment vous le redemandez encore, on en mettra encore. Hein. Nous on se plie évidemment dans le club au public, à vous auditeurs, et on vous repasse un ultime générique. Attention. Il est choisi par amour par le spécialiste des génériques ici dans le club. Il s'agit de Julien. Et il va falloir chercher qu'est-ce que c'est. Ah bah on vous le dit après. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Thank you. club. Voilà, vous êtes toujours dans le club, une émission en direct évidemment présentée par Julien, par ouais. Thomas et par moi-même. Jacques. Ouais, Jacques, tout à fait. Une émission qui fait plaisir. Qui fait plaisir, l'émission la... on prétend que c'est l'émission la plus VIP, on va essayer de le devenir en tout cas, parce que c'est quand même la première. Donc c'est pas forcément évident pour tout le monde, pour moi-même, c'est la première fois que je suis assis là, ça me fait quand même bizarre. J'espère que la direction va nous maintenir, hein. C'est un programme tu te débrouilles pas mal. Cher à notre cœur, cher au cœur des auditeurs, déjà avec les appels. Ouais, ouais. Merci, merci Thomas, c'est gentil. 126 appels. 126 appels, 126. Sans annoncer une seule fois le numéro de téléphone, et c'est pour ça que, oui, on vous aime, auditeurs, on vous aime. Ah, faut être un petit peu comme ça avec les auditeurs. Ils sont sympas, ils nous écoutent. Je veux dire, faut les remercier. On a des cadeaux également à vous distribuer. Ça sera vraiment en toute fin d'émission. Mais ça sera pas cette semaine, malheureusement, parce que les cadeaux, on n'a pas eu le temps c'est pas chaque semaine. On s'est déjà concentré sur les rubriques, c'est déjà pas mal. D'ici quelques instants, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le sommaire de l'émission Le Club ? Nous allons retrouver la minute culturelle. C'est la minute culturelle ? Ou le sketch. Le sketch est fait, hein, c'était Petman. Donc ça sera. La série radiophonique ou la minute culturelle. On va lancer la minute culturelle parce que la série radiophonique c'est énorme. C'est pour la fin, c'est le petit truc en plus quoi. C'est le bonus, c'est la crème, c'est la cerise sur le gâteau. Franchement c'est bien, hein, c'est une série de 29 épisodes, on attaque au 6ème. Donc ça veut dire qu'on va vous expliquer également les 6 derniers que vous n'avez pas écoutés ou que vous avez peut-être retrouvé sur d'autres antennes. En tout cas, on va vous expliquer ce qui s'est passé dans cette série, pourquoi cette série est en passe de concurrencer les Feux de l'Amour. On vous expliquera tout ça d'ici quelques instants. Pour l'heure, on retourne en musique avec Dr. Dre, The Next Episode. Ça donne ça. Et pour la suite, eh ben, on vous l'a dit, hein, c'est la minute culturelle qui arrive. On va faire travailler les neurones. Ça fait un... bien. Shit up. DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clipping the strap, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. West side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, bitch? Locust song for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we saw. Who be acting too bold? Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Life's like this. could only let it be. You will see, I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why. Like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Avril Lavigne dans le club. Quentin a un petit problème de tussif. Le réalisateur, ouais. Mais Jack est là en pleine forme et c'est ça qui est génial. Et c'est le club. Donc, toujours en direct avec nos amis du club, Thomas, Julien, pour un moment très très délicat, un moment très très important. Il s'agit de... La minute culturelle. Parce qu'on a remarqué effectivement que les radios, les chaînes de télé même, ont besoin d'instants culturels pour faire avancer tout simplement les auditeurs vers l'avant, vers la culture, tout simplement, avec un grand K. Et pour nous en parler, on va chaque jour tirer un mot au sort et essayer de vous l'expliquer le mieux possible. Donc aujourd'hui, on va... tirer au sort un mot. La roue du mot. J'ai une urne. Attention, petit papier. Le mot est arrivé. Mais sur quel mot va-t-on se coucher moins idiot? Ah oui, attention. Alors, je vous l'annonce. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la colère. Qu'est-ce que la colère? Qu'est-ce que la colère? Moi, je suis colère, je parle pas ce soir. Plusieurs docteurs pour nous parler un petit peu de cette colère. Et on va vous expliquer chez vous ce qu'est la colère vraiment, avec des citations. La colère, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est important de faire un petit point du côté culturel, oui. Car l'heure est à la culture. Exact. Donc, La colère, qu'est-ce que la colère? C'est la question que je me pose, c'est la question que se posent les auditeurs aussi. Alors nous allons tenter d'y répondre. Alors le déclencheur de la colère est la perception d'une situation comme dévalorisante ou menaçante pour soi ou les siens. Ça je savais. Ah oui, tout à fait. Très important. À l'encontre de nos idées, de nos croyances et de nos valeurs. Le but de la colère est de se défendre contre cette menace. C'est une forme de défense alors la colère? Oui. Donc alors, si vous avez des rédactions, prenez des notes là. Oui, pour le devoir de philosophie sur la colère, ça peut servir. Alors attention, parce que la colère peut aussi avoir un effet positif. Elle peut par exemple amener l'autre à se soumettre, ce qui à court terme peut être un gain. Bon, là je vois pas trop en quoi. Mais bon, la soumission, évidemment, mais évidemment, notez bien si vous avez des dissertations. Soumission. Notez bien. Alors est-ce qu'on peut, je crois... Attention, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Non. Alors elle peut l'informer de l'importance des enjeux pour nous. Elle peut d'ailleurs nous aider nous-mêmes à en prendre conscience. Bon, contre là, il faut que quelqu'un m'explique, parce que là, je suis largué, c'est un rapport avec la phrase d'avant. Ah d'accord. Voilà, sûrement. Hein. Mais bon, en même temps, c'est Bruno Fortin, un psychologue. Faut pas chercher à comprendre. Parce que tout trop, ce qu'on vous dit, c'est tiré de psychologues renommés. Ah, alors, oui, je sais pas si vous l'avez noté, moi-même, j'ai pas tout compris. Je suis pas parti en improvisation comme ça sur la colère. Allez, pour finir en beauté, pour finir avec souffle, on a une citation quand même grand auteur. C'est très important d'avoir une citation quand même pour concrétiser tout ce qu'on vient de dire. T'es d'accord, Thomas, t'es en train de voir qu'est-ce qui fait le plus plaisir à un professeur? La citation, surtout quand la personne est renommée dans le domaine. Ah bah, donc tout là, à fait. On a quand même une sommité en ce domaine. Sean Penn: j'ai survécu à pas mal de colères, je les ai remplacées par de l'amour. La vie n'est qu'une longue guérison. Alors voilà, quand même, je pense que vous avez dit aujourd'hui, j'ai écouté le club par hasard. Puis maintenant vous vous dites, bah non, maintenant j'ai écouté parce que c'était une émission intelligente. Ouais. Non. On va dire ça. Faut attendre la suite de l'émission. La seule émission à vous citer du Sean Penn quand même. Écoutez bien la bande FM, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vous citeront du Sean Penn en tant que citation. Hein. Je ne crois pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, il n'en a pas fait beaucoup. Je pense que c'était sa dernière au niveau de la colère en tout cas. Vous aimez les Red Hot Chili Peppers? Ah oui. Au hasard. Oui. On a fait une étude quand même, le groupe Red Hot Chili Peppers est un des groupes de rock les plus populaires en ce moment. C'est normal. Malgré tout. Albums toujours plus travaillés, toujours plus loin du public, et pourtant il est... Pourtant moi je pense qu'ils deviennent de plus en plus commerciaux. C'est quand même très bon. Eh ben on s'écoute, Red Hot Chili Peppers juste après, on retrouvera la suite, le feuilleton. Le feuilleton. Select que personne n'y entre. Non mais attendez, je suis le patron, je peux rentrer. Désolé, on a des consignes. Ouais, c'est le club que vous écoutez, toujours en compagnie de Julien, salut. De Thomas, salut, et de moi-même, Jack. On enchaîne avec la suite et on attaque avec... on l'avait oublié dans le programme, il n'était pas cité, mais c'est les instants kitsch de la bande FM. Parce que tout ce qui est fait en musique n'est pas forcément bon. T'es d'accord Vous êtes d'accord? Dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, on peut être forcément perçu comme moins bon. Bah, je vous comme parler... moins mauvais, je veux dire. C'est vrai. C'est le kitsch de la bande FM. Parce qu'il n'y a pas que des animateurs excellents sur la bande FM, voici le kitsch de la bande FM. Kitsch. Voilà, le kitsch après le jingle. Est-ce que vous connaissez Jacques No? Je vous en ai très rapidement parlé. C'est un artiste de la scène électronique dans les années 80, précurseur. Il s'est perdu dans de nombreux chemins, des paradis artificiels malheureusement pour lui, c'est le show business. Mais il nous a fait de très belles chansons. De très très belles chansons même, je devrais dire, dont notamment Anne cherchait le garçon. Je voulais vous la passer parce que c'est très très kitsch. Et juste après, pour finir, Jacques No n'est pas mort, puisqu'il est quand même, il a 40-45 ans. Il continue à faire de la musique, et on a pu l'entendre récemment dans... Attendez, hop. On a pu récemment l'entendre dans un groupe qui s'appelait Stupéflip, depuis que je fume plus de shit. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est lui qui a fait ça. Il a fait effectivement ça. Il a fait la chanson, c'est tout un groupe, et lui il a composé les paroles, tout simplement, de cette chanson. Et il a également lancé une chanteuse qui était assez connue dans les années 80 et qui maintenant fait du cinéma. Il s'agit d'Eli Medeiros avec le tube Toi, toi, mon toi, dont on peut écouter un voilà, court extrait pour faut se faut ressortir rappeler. Les boules à facettes. Ouais. Attention. Ça vous dit quelque chose, ça? La pub Petit Bateau. Toutes les compiles années 80. Ouais. L'indispensable. Donc ça c'est Eli Medeiros. Mais à ses débuts elle a chanté avec Jacques No. Et c'est peut-être ça sa grosse erreur. C'est peut-être ça qui a tué sa carrière. Donc on va écouter peut-être un des plus gros beats de l'histoire musicale. Vous êtes assis dans vos fauteuils chez vous, auditeurs. Ici, ça va, tout se passe bien? Pour l'instant, c'est assez soft. Hein. On veut dire qu'il y a pire dans le kitsch attention, que Eli Medeiros. Attention. Eli et Jacques No ensemble, ça donnait ça. Non. On vous la passe pas en entier, rassurez-vous. Juste les paroles, parce que c'est très bon. Bah si, en entier. Eli Medeiros chante faux. Alors, je sais pas si c'est grâce à Jacques No. Vous allez voir, attention. Bah, ça me rappelle un peu la danse des canards. Il s'appelle Anne cherchait l'amour. Un petit commentaire de Thomas. Ça a l'air génial, ouais. D'ailleurs, on voit la tête des audiences. Des animateurs et éventuellement ce qu'on peut faire c'est peut-être si un jour on a les droits on rachète la maison de disques qui a fait ça, on pourra peut-être vous offrir des singles Anne chercher l'amour, Eli et Jacques No. On s'écoute c'est, encore écoutez ça va bien faire un carton ça. et vous vouliez la passer en entier. Bah dis donc. Parce qu'il n'y a pas que des animateurs excellents sur la bande FM, voici le kitsch de la bande FM. Le kitsch de la bande FM. Kitsch. Mais pour sa gouverne, Jacquenot, donc toujours lui, est revenu récemment sur la scène musicale. Non, pas une deuxième. Hein. Eh ben si, une deuxième. Mais cette fois, il a cartonné. Jacquenot a cartonné. Il a été rappelé par le groupe Stupéflip et ils ont fait la chanson Je fume plus de shit. Depuis que je fume plus de shit, je vous passe un court extrait puis après on la passera en entier. Ça donne ça. On sent la patte Jacquenot quand même derrière. Ouais, bon, on sent quand même l'évolution quoi. Ouais, c'est plus gay. Je fume plus de shit, je me rappelle de mes rêves. Ça, c'est le nouveau Jacquenot 2003. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ouais. Ouais. Et je me suis rendu sur le site, il y a des témoignages bouleversants de jeunes qui ont arrêté de fumer du shit. Bah, je pense qu'il faut arrêter à un moment donné. Hein. On peut pas faire ça toute la vie, c'est pas bon pour la santé. Écoutez bien, les témoignages en disent long. Un certain Fabien, 16 ans, qui a arrêté de fumer du shit, on l'écoute. Je crois qu'il a bien fait. Disons que j'ai encore un petit peu de mal à en parler. En fait, j'ai encore un peu de mal à en parler. Est-ce qu'on peut arrêter? Je me sens pas bien. Y a pas de problème. Petit témoignage donc présent sur le site Stupéflip. On peut retrouver. Donc ça c'était Fabien. Il y a également Kevin. Témoignage bouleversant. 17 ans. Le pauvre, ça lui a attaqué les cordes vocales. C'est hein. Clair. Et puis en plus, tu n'as pas vu les images, mais moi je les ai vues, c'était bouleversant. Il avait quelque chose sur la tête pour se cacher le visage, le pauvre. On est obligé de les faire témoigner sous l'anonymat parce que évidemment c'est assez pénible. Deuxième témoignage qui nous prouve qu'il faut effectivement arrêter de fumer tout court avec les augmentations. En plus, je pense que ça peut qu'aider. Écoutez Kevin, 19 ans, encore un autre témoignage assez bouleversant. Depuis que je fume plus de shit, je suis plus tout à fait le même. J'ai complètement confiance. J'ai confiance en ma silhouette. Je me surprends à élaborer des projets, quoi, des projets de fou, quoi. Je suis comme un fou là. Je suis tout excité là. Il y a des milliers d'idées qui trottent dans ma tête. Je crois que je vais aller faire les chevaux. Je me surprends à rigoler naturellement et à sourire des fois même. Tout va pour le mieux. Eh ben c'est pas beau ça. Il a arrêté également lui aussi. La patate. Un petit dernier pour la route. Soyons fous. On en veut encore, allez. Soyons et fous, puis après on fous. Part avec Stupéflip. Et puis après promis ça sera l'heure de Veracruz, la grande saga radiophonique. Alors dernier petit témoignage. On vous a passé Fabien, Kevin, Gilbert. Lui non plus n'était pas bien avant. Maintenant il est beaucoup mieux. Enfin presque. Écoutez. L'astrologie, tout ça, j'étais complètement dingue avec ça. Je passais mon temps à lire des trucs dans les magazines pour l'astrologie. Les arbres, surtout les arbres. Hein, c'est. Là, il y a les oiseaux, les arbres, vous voyez, c'est complètement. La pêche et l'abricot, et je suis plus sympa. Bonjour, fini la drogue. mal dans la rue, je suis mal dans ma tête. Dans mes sweatshirts et mes pulls, j'ai plein de trous de boulettes. Je fais plus de sport, je me lève à pudeur. Je fais des grasses maths interminables jusqu'à 4 heures. Passe si tu veux. Je suis moins vif, je me trouve moins beau. Mon gros, les yeux rouges, le teint pâle, la femme. Depuis que je refume du shit. Depuis que je refume du shit. Bah oui, Jacques, ne fallait pas commencer. Voilà, c'est tout. À l'instant, c'était Stupéflip, Jacques No, avec Shum Puchid. Vous avez entendu des témoignages bouleversants à l'instant sur des jeunes. Hein. C'était énorme. C'est énorme. On essaiera de vous les repasser. Moi je suis partant. Plus tard. On vous aurait oublié, on vous les repassera, mine de rien. On attaque avec la série radiophonique. Alors là, on est obligé de faire des interventions publiques nous-mêmes, hein, parce qu'il y a assez peu de public finalement dans le studio. C'est un peu fait exprès en même temps. Le public, c'est nous également. Et ça rend bien, Ah, ça rend. Dès qu'on veut mettre la foule, l'ambiance, c'est. Allez, on y va. Cruz. Et je vous laisse écouter juste un petit mix de Veracruz, rien que pour vous donner envie d'écouter le club, parce que le club, c'est l'émission où il y aura Veracruz, et dans Veracruz, il y aura ce genre de choses. Sur la plage de Veracruz. On the beach of Veracruz. Sur la plage de Veracruz. Les Berniques l'ont refermé leur coquille. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Tu vas finir en prison, ordure. Je crois que mon frère a sombré dans la folie. Vous n'allez pas l'écouter quand même. Il fabule de la chérir et de l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, je n'ai jamais lu le respect au fond de ses yeux. Peut-être est-ce un sentiment qu'il a enfoui au plus profond de son âme. Au plus profond de son âme. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis les barreaux. Je me fais la malle. Sur la plage de Veracruz. On the beach of Veracruz. Non, j'en ai marre. Ouais. J'ai plus d'espoir, tu sais. Bah, là, je le coupe, hein. C'était juste un avant-goût. Oh, il y a du bon son là dans la radio. Il y a du très bon son. Allez, on va vous envoyer l'épisode 6 de Veracruz. Juste avant, vous avez raté le retour de Paul Cardo. Paul Cardo, qui était ex-gouverneur de la province de Santa Capulco, qui revient à Veracruz. C'est un petit peu compliqué, mais il se fait pas que des amis, notamment son frère, qui essaye de lui rappeler une vieille affaire qu'il avait laissée à Santa Capulco et qu'il avait mis sur la paille et qui l'avait contraint à... subir les pressions du FBI qui le recherche activement, donc il est obligé de se cacher à Veracruz. Voilà, c'est les aventures, l'épisode 6. On écoute ça, je vous laisse parce que ça se passe de commentaires. Sur la plage de Veracruz, le vent de la trahison souffle sur l'océan. Marc a prévenu la police de la présence de son frère Paul dans la cité mexicaine. Victoria, la petite amie de Marc, a tout juste eu le temps de prévenir Paul de son arrestation imminente. La guerre des frères semble définitivement commencer sous le soleil pourtant si généreux de Veracruz. Paul, c'est toi ? Oui, c'est moi, papa. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mon frère a prévenu la police de ma présence à Veracruz. C'est pas possible, ton frère n'est pas un traître. Ah oui ? Alors pourquoi les policiers ont mis mon appartement sans dessus-dessous ? Une coïncidence peut-être ? Je n'y crois pas. Marc n'aurait jamais fait ça. Il faut arrêter de se voiler la face derrière des lunettes teintées d'un bonheur illusoire. Enfin, je pense. Tu penses trop. Tu entends ça ? Ça, c'est bien réel. Ça, c'est la police. Qu'est-ce que tu vas faire ? Sûrement pas retourner en prison. Entre les douches et le reste, j'ai vécu un véritable enfer. Je vais passer par la porte du fond qui mène à la plage et nager jusqu'à River Phoenix. C'est loin et très dangereux. C'est ma seule chance. Retiens la police le plus longtemps possible, s'il te plaît, papa. Fais-le pour moi, fais-le pour maman, fais-le pour la liberté. D'accord. J'arrive. Je suis sous ma douche. Police. Allez, file. Ouvre cette porte. Une minute, j'enfile un peignoir. C'est le FBI. Oui. Bonjour. Vous en avez mis le temps, dis donc. J'étais sous ma douche. Je me présente, lieutenant John Mannix, comme les préservatifs. Victor Cardo. Monsieur Cardo, nous avons de bonnes raisons de croire que votre fils Paul est de retour à Veracruz. Ah bon ? Il vous a pas contacté par hasard ? Non. Un coup de téléphone, peut-être ? Non plus. Un SMS, un email ? Je vous ai dit non. Excusez-moi, inspecteur, mais j'ai du lait sur le feu. Je croyais que vous preniez votre douche. Je prends ma douche et je bois du lait, ça vous gêne ? Non. À bientôt. Encore quelques kilomètres et je serai arrivé à River Phoenix. Oh, l'eau est glacée. Une chance que j'avais mis mon maillot de bain. Je vais m'en sortir, Marc. Je vais y arriver. Si tu me voyais, tu serais déçu. Ton plan tombe à l'eau. Allô ? C'est moi, Victor, ton père. Bonjour, papa. J'ai eu la visite de la police aujourd'hui. Oui, je suis au courant. Il cherchait ton frère. Tu es au courant ? C'est moi qui ai averti l'inspecteur Manix. C'est toi ? Oui, c'est moi. Et si c'était à refaire, je le referais, sans hésiter, car il a triché avec la justice. J'ai honte pour toi, Marc. Tu entends ? J'ai honte. Voilà, sur ce très beau générique de Veracruz, premier épisode qu'on vous passe sur l'antenne. C'était pas mal, hein, les gars ? C'est magnifique. C'est un bel... Moi, j'aime bien cette série, hein. Franchement, j'aime bien. Mais dis donc, c'est la fin de la deuxième partie. Oh. Au revoir à tous. Merci, Thomas. Et merci, Julien. Merci, Jack. Merci, Jack. Et générique de fin, attention. Eh bien, j'espère que vous allez suivre la troisième partie. En tout cas, pour nous, c'est fini. Et on vous dit à très bientôt.